Mes amis, quel bordel hier! J'ai croisé un rassemblement organisé par des vieux. Au début, j'ai cru que c'était une manif pour dénoncer le coming out de l'abbé Pierre il y a 2 semaines dans VSD. Eh bien, pas du tout. Ils étaient là pour se plaindre, ces vieux croumires. Ils râlaient parce que, soi-disant, ils perdent leur pouvoir d'achat. Ah, fallait les voir en doudoune damar avec leur gourde à camomille autour du cou. Vous me connaissez, Christophe. Je suis d'habitude d'un naturel tolérant. Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai dû y aller de ma petite réflexion. Alors, les vieux qu'on se caille la sonde, bande de mécréants. Mais comment est-ce que vous osez demander encore de l'argent, bande d'inactifs? Vous servez à rien! Vous devriez avoir honte! Ça tiendrait qu'à moi, je vous enverrai tous dans des chenilles, on vous donnera à bouffer aux clébards! Évidemment, comme le froid, ça bouche les sons d'automne, personne m'a entendu. D'un seul coup, ils se sont mis à beugler tous ensemble. Oh, veux des sous pour mieux vivre et s'acheter des cachous. Oh, veux du pèse pour changer de charentaise. Oh, veux du fric pour snapper nos coliques. Oh. Du coup, ça m'a encore plus agacé. J'ai commencé à enlever les pavés de la route et je leur ai envoyé dessus. Vous allez foutre le camp, bande de parasites! Retournez à l'hospice, vous défoncez à la verveine! Oh. Et puis une mamie s'est approchée de moi. Elle avait le regard aussi profond que ses rides. Malgré le poids des ans, elle avait su garder un galbe de jambes tout à fait honorable. Ses seins lourds et mous restaient toutefois pleins de promesses. Et ses mains calleuses me faisaient frémir rien qu'à l'idée de l'expérience probablement acquise au fil des années sur des milliers de corps virils et sûrement morts aujourd'hui. Puis elle m'a dit... Pourquoi tant de colère, mon ami? Le combat des seniors est une lutte pour la dignité. Si notre pouvoir d'achat reste à la baisse, nous n'aurons plus de quoi nous entretenir, et la décrépitude sera rapide. Moi, par exemple, c'est grâce à ma maigre retraite que j'évite le gouffre de la consternation. Ça vous dirait qu'on aille chez moi vite fait pour que vous vous rendiez compte des bienfaits de l'entretien physique sur mon corps? Je suis resté bouche bée, et je me suis dit, Helmut, en tant que grand humaniste et scientifique de renom, tu te dois de faire ce genre d'expérience. On est arrivé chez elle. Là, elle a tiré les volets. Elle s'est excusée et elle est revenue 10 minutes plus tard. Étant d'un naturel curieux, j'ai rallumé la lumière. Ah! D'où Jésus, mes amis! Je comprends qu'ils aient peur de la baisse du pouvoir d'achat, les vieux. Purée, il y avait des frais, hein, pour maintenir le paraître. Croyez-moi qu'au naturel, le galbe de la jambe, il en avait pris un coup. C'était plus une jambe, c'était un jambon. Quant à la poitrine, elle devait être maintenue par un soutif en titane. Face à moi, c'est plus des seins que j'avais. C'était 2 poids de pendule qui avaient sérieusement besoin d'être montés. Du coup, je suis parti en courant et j'étais manifesté avec les autres mourants. Ah, il leur faut du fric, les vieux, hein. Sinon, croyez-moi, c'est horrible. Bon, je vous laisse. Je dois aller préparer mon intervention pour le débat sur la sécurité routière et les accidents dus au divorce. Allez, au revoir.